l'hymne national de ma peau. J'ai hissé les couleurs de mon drapeau, bleu, blanc, blouse, bleu, blanc, blouse, en espérant qu'il flotte si haut que le ciel me dise chapeau. Vive ton bleu, blanc, blouse, vive ton bleu, blanc, blouse. Un jour qui sait tard ou bientôt, mon drapeau fera chanter bel canto. Les bleus, les blancs, les blouses, en attendant ce jour zéro où chacun devienne héros. Plein de bleu, blanc, blouse, plein de bleu, blanc, blouse. Je hisse les couleurs de mon drapeau sur l'hymne national de ma peau. Bleu, blanc, blouse, bleu, blanc, blouse. En attendant ce jour zéro où chacun devienne héros. Plein de bleu, blanc, blouse, plein de bleu et de blanc et de blouse. Hisse les couleurs de mon drapeau sur l'hymne national de ma peau. Bleu, blanc, blouse, bleu, blanc, blouse.